Action. Ça tourne. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue. Vous êtes au 42 sous-sol FM. Une émission avec un but très très simple. Ça va être seulement être de la musique en vinyle. Sinon, ça risque d'être à peu près tous les styles possibles et ben pas impossible. Mais ça serait le fun quand même, on sait jamais. Mon nom est Francis Appam, votre animateur avec mon invité et sûrement co-animateur, David Lassiage. Bon, ça va dépendre si j'ai une bonne performance, mais oui, merci beaucoup Francis. Alors voilà, bienvenue à cette première émission de Sous-sol... Comment? 42 Sous-sol FM. 42 Sous-sol FM, voilà. C'est comme une émulation de radio, étant donné qu'on n'est pas à la radio. Fait que, il y a le feeling de la radio. Ouais, c'est en différé, là. Bon, le micro distorsionne un peu, mais bon, on va procéder quand même. On s'excuse d'ailleurs s'il va y avoir des petits problèmes techniques par-ci par-là. C'est la première émission, fait qu'on est encore en rodage, comme les professionnels disent. En gros, c'est ça. Il va y avoir tous les styles, la musique seulement en vinyle. Moi et David, on a chacun une table tournante à côté de soi. Son idée brillante, je tiens à dire d'ailleurs. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va toucher à peu près tous les styles. Fait que si vous n'êtes pas vraiment ouvert d'esprit ou vous tripez trop sur un style en particulier, ben c'est ça. Donc... Soyez pas déçus, tu sais. Voilà. En fait, c'est ça, tu sais, si je peux renchérir sur ce que Francis vient de dire, c'est ouais, en fait moi c'est, il me parlait de ça, qu'il voulait faire un podcast pour tu sais, c'est ça, parler de notre une passion commune que nous avons qui est le vinyle, le chassage de vinyle en général. Donc voilà, Francis, trop humble, mentionne pas qu'il y a quand même une belle petite collection de disques ici. Puis voilà, moi aussi j'en ai une pas pire. Fait que, puis tu sais, le vinyle, on a eu la chance de voir que le vinyle est comme revenu à la mode. Donc nous, on en a profité aussi, voilà. Fait qu'on en a des bons. On a profité avant que justement, ben là, c'est devenu vraiment à mode, fait que les prix ont monté. Là. Ouais, c'est ça. Là, quand on parle de... Soyons clairs, on en a profité au sens qu'il y a eu beaucoup de rééditions d'albums qui ont ressorti grâce au fait qu'il y a plus de gens qui achetaient des disques. Ça, c'était le bon côté de la chose. Le mauvais côté de la chose, c'est qu'on a vu des disques... passer d'un prix très abordable à un prix plus abordable. Tu sais, par exemple, des albums qu'on pouvait trouver à 4$ ont passé facilement à 14$. Tu sais, fait que c'est pas mal moins intéressant. Pour le même produit, là. Exactement la même. C'est juste qu'il y avait plus de demandes. Fait que voilà. Des groupes qui étaient moins populaires qu'ils sont devenus, etc. Donc. Voilà, on en a quand même profité pendant quelques années, puis c'est ça. C'est ce qu'on voulait partager, je pense. Hein? Exactement. On voulait tout simplement... partager... des choses que vous ne pourrez pas entendre autrement que sur... Non, il y a des choses que oui, évidemment. Ben, tu peux entendre ça en mono, mettons, sur YouTube. Non, mais tu sais, ce n'est pas des choses exceptionnelles toutes, là, mais disons que ça nous donne la chance de passer au travers des classiques et des obscurs, tu sais. C'est ça. C'est à peu près ça. Fait que voilà, Francis, toi, j'ai vu que tu en avais préparé un beau jaune, là. Un beau jaune, ouais, mais vu que, ben, comme un débutant, j'ai pas cueilli ma toune, tout simplement, fait qu'on va débuter avec ta toune à toi. Ah, bon, ben, écoute, je vais pas prendre toute la place, mais... Non, je j'embarquerai après, là, mais j'étais décontenancé, là, j'étais pas à mon affaire, fait que... Aucun problème. Alors, je vais mettre en contexte quand même les personnes qui prennent la peine de nous écouter. Pourquoi que j'ai choisi cette chanson-là pour commencer, ou cet album-là, on va parler d'album plus que de chansons. Une chanson, c'est comme juste une sélection, si tu veux, dans le disque. On pourrait quasiment parler de ça après la toune, justement qu'aujourd'hui, on n'achète plus d'albums, on achète des chansons. Moi, ça me perturbe un peu parce que, justement, ça nous limite. En tout cas, mais bon. Passons au premier album que j'ai apporté. En fait, c'est le premier album que j'ai acheté aussi. C'est quand même... Je concède. voilà. Continuité. Hein? On va commencer par le commencement. C'est quand même le fun. C'est ça. Pour mettre en contexte, j'ai commencé à acheter des disques. Ça fait quand même quelques années. Mon premier, il devait avoir 15 ans, mettons, à peu près. Moi, je suis dans une place qui s'appelait chez Bastiani. Sorel, très. Ah oui, je m'en allais dire, ça sonne typiquement Sorel. C'était une place à livres, une bouquinerie qui vendait des vinyles aussi. Puis ils vendaient ça pas cher, évidemment, genre une pièce chaque. Là. Des fois, il y a des rares Il est rare, il est vendu 5$, tu sais, etc. Bon. Celui que j'ai acheté, c'était un rare dans le temps, tu sais, parce que, justement. Mais bon, je remets les choses en contexte, là. C'est ça, j'ai 15 ans et j'aime le punk rock, comme beaucoup de jeunes de 15 ans de Sorel à l'époque. On est en, je sais pas moi, 15 ans, j'avais, on était en 99, peut-être, 98, 9, à peu près. Anyway, voilà, le punk rock très fort. Puis, j'ai la chance d'avoir une table tournante chez nous, parce que mon père avait une collection de disques aussi, plus le progressif, mettons. J'ose imaginer Pink Floyd, compagnie. Ouais, c'est ça, les classiques, là. Pink Floyd, Black Sabbath, et d'autres classiques qu'on va parler tantôt, dont Kraftwerk. C'est quand même intéressant. Il y a quand même pas, quasiment tous les albums de Kraftwerk, en tout cas. Voilà. Mais celle-là, il ne l'avait pas, évidemment. Et c'est Fresh Fruit for Rotten Vegetables, qui est le premier album de Dead Kennedys, qui est quand même un band de punk. C'est ça. Ben, c'est connu, je dirais. Et puis, j'ai entendu des rumeurs qui étaient bons. Moi, quand même, ils sont quand même bons. Pas sûr, des non, ça a l'air qu'ils sont pas pires. Jello Biafra, etc. Fait que c'est ça. Et puis cet album-là, ben, je l'explique un peu si vous voulez, si vous connaissez pas. Premier album de Dead Kennedys, les années 80, en fait 1980. Et là, c'est un groupe de punk californien, en fait. Et puis à ce moment-là, le punk était plus populaire. En Angleterre, en fait, ça commençait un peu aux États-Unis. Oi, oi, oi. Ouais, c'est ça. C'était plus ça. Puis t'avais les Ramones, tu sais, c'est à la côte est. C'était pas encore cristallisé, tout ça. Puis, c'est ça, t'as les groupes de la côte ouest et ça commençait, ce que j'ai compris. Et puis, eux ont signé sur un label qui s'appelait... Mais en fait, ils n'ont pas signé sur un label. Ils ont été distribués par Cherry Red, qui est un label britannique, justement. Et puis la version que j'ai, c'est la version Cherry Red. C'est quand même intéressant. Oh, oh. Ça sonne une première édition. C'est là. Dans le temps, je connaissais pas ça. Si je peux me permettre, hein? Parenthèse pour les non-connaisseurs, première édition, si quelqu'un vous dit ça, vous avez un vinyle pas cher et vous dit première édition, prenez-le. Parce que souvent, c'est mieux pressé, ça vaut plus cher, etc. Ouais. C'est comme une BD avec First Issue ou tout. Bref. Ouais, c'est un peu le même principe. Ben, surtout si tu rentres dans le collectionneur, puis là, tu parles et tu veux vendre une collection ou tu veux. Bon, en tout cas. Mais c'est sûr qu'au niveau de la valeur marchande du disque, oui, souvent les premières éditions valent plus cher, mais c'est pas tant pour ça. C'était plus pour le côté historique de l'affaire que je trouve le fun d'avoir la première édition. Pis surtout qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, puis je savais pas pendant tout que Cherry Red, finalement, je pensais que c'était une édition poche. Britannique, parce que pour ceux qui ne savent pas, ça vaut rien, ça. C'est ça, tu sais, des amis de la merde. Parce que à l'époque, on savait par contre que Dead Kennedys avait leur propre compagnie de disques qui était Alternate Tentacles. Fait qu'on se disait, ah, Cherry Red, fait que c'est poche, tu sais. C'est pas Alternate Tentacles. Mais dans les faits, au final, c'était mieux. En tout cas, anyway. Fait qu'ils sonnent pas mieux, par exemple, ils sonnent pareil, même affaire. Ça part du même master. C'est la même affaire. Ça, il change à rien. La couleur de la pochette est un peu différente, la version américaine est un peu verdâtre, tandis que la version anglaise est plus noir et blanc. Fait que c'est la seule différence. Voilà. Alors, on va partir ça. Alors, première chanson de l'album. On est dans les premiers, les débuts, on commence. Puis c'est un classique de Dead Kennedys qui s'appelle « A Kill the Poor ». C'est parti! Efficiency in progress is ours once more. We have the neutron bomb. It's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me. But no less value to property. The sense and war, but perfect sense at home. Things down and a brand new day. No more will they tax to pay. And something to them's gonna be flashing a light. Godless millions whisk away. At last we have more room to play. Our systems don't wake you the fool of the night. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. The sparkle of champagne. The crime rate's gone to Toujours sur les ondes de 42 sous Sol FM. On vient d'entendre Dead Kennedys avec Kill the Poor. La prochaine tune, il n'y aura pas grand mise en contexte. Ça vient d'une compilation, en gros, qui s'appelle Funky Chicken, du funk belge. Ça existe et c'est excellent. J'ai failli en pleurer quand je l'ai entendu pour la première fois. Ça vient d'un groupe qui s'appelle Humpty Dumpty. Avec la tune. C'est pour ça que c'est sur une compilation. Écoute, il y en a, mais pas des tonnes. Il y en a pas des tonnes, puis en plus, quand ton nom de band c'est Humpty Dumpty, t'as beau rocker autant que tu veux, faut que tu te vendes un petit peu plus, selon moi. Mais bon, c'est hors sujet. Avec la tune Placebo, et bien sûr, vous êtes toujours sur les ondes du 42 sous Sol FM. Toujours sur les ondes de 42 sous Sol FM, Francis Appam, David Lassiage. Bonjour. En gros, avec quoi qu'on enchaîne, gars? Ben écoute, Moi, j'ai préparé quelque chose ici, parce que là, t'es embarqué dans la compilation. T'sais. Moi, quand tu me parles de compilation, ça me fait rêver, parce que il y a quand même... Bon, tu sais, il y a des funky check-in là, avec des groupes obscurs comme Placebo pis tout ça. C'est ça qui est le fun de la compilation, tu me dis. Tu sais, c'est pas... Ben, bon. À moins que tu connaisses les tunes, souvent, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Puis, t'as souvent deux vinyles pour le prix d'un. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ça. Ben, pas toujours, mais oui, souvent... Ben, en tout cas, la majorité des compilations, là, tu sais, ouais. Mettons, ça te coûte 20$, mais t'en as deux. Ben, ça, en fait, tu dis ça et ça me fait penser. Ça, c'est dans les. On parle de reissue. On parle d'albums qui viennent d'être refaits, imprimés sur du 180 grammes. Là, je vais rentrer un peu dans les détails de freak. Ah non, de mais c'est tant mieux parce que c'est pas tout le monde qui, justement, qui sont initiés de ça. Mais s'ils voudraient commencer, au moins, on leur donne des informations. C'est ça, oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. En fait, il y a une grosse différence quand même entre un album pressé sur. Du 180 grammes, qu'on appelle, c'est ça, ben, c'est le poids du disque. Donc, c'est un poids, c'est un album qui est plus épais. Puis là, tu me diras à quoi ça sert l'épaisseur, tu sais, c'est complètement inutile. On s'en fout qu'il soit épais ou pas, mais non, parce que on est dans un système qui est analogique. Un disque, tu sais, c'est de la vibration. Fait que plus qu'il y a d'espace entre les sions, si tu veux, dans la profondeur du sion, plus qu'il y a une richesse du son qui est amplifiée par le système. Dans le fond, le lecteur, là, ton système de tourne-disque. Puis, et c'est ça. Donc, si t'as un bon système, c'est ça, si t'écoutes ça, c'est une table tournante Fisher-Price, tu sais. Ça te sert à rien. Premièrement, tu vas maganer un vinyle de qualité pour absolument aucune raison pour entendre ça dans un speaker mono. Fait que, pense-y à deux fois, pogne les vinyles de ton père qui veut plus, là, mettons. C'est ça. Ou achète des 10 poches d'un bin à une pièce, tu sais, puis ça fait. Puis sinon, tu sais, fais pas ça parce que tu vas y briser. Puis, t'as pas de plaisir, t'sais, c'est juste l'agression totale de tes oreilles, t'sais, fait que voilà, fait que ça vaut pas la peine. Mais si mettons t'as un bon système, t'as une table tournante qui a de l'allure, qui a une aiguille qui a de l'allure, puis tout ça, t'sais, c'est bon. Puis t'achètes un disque, c'est un investissement dans le fond, c'est que ton album va durer plus longtemps aussi, parce que si t'es un freak puis tu l'écoutes souvent, mettons, c'est sûr, si t'ajoutes des albums pour les pochettes, t'sais, on s'en fout aussi. Hein. Mais si c'est pour l'écouter, t'sais. T'es mieux d'y aller à 580 grammes si tu gardes ça toute ta vie parce que. Ouais, bon, on s'entend, mais tu dois parler d'acheter des albums pour les pochettes. Premièrement, c'est pas les albums les plus chers qui vont avoir les plus belles pochettes si tu achètes ça juste pour les pochettes. On s'entend, c'est non. Les cochonneries de Serge Lapointe joue les grands succès de à l'orgue ou whatever. Bref. Dépendant de ton goût de pochette, là. Ben, mais... combat. Hein? Voilà. Mais voilà, donc, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a quand même un intérêt pour ça, tu sais. Puis voilà, fait que ces compilations-là, on peut retrouver plein d'affaires obscures là-dessus. Et c'est ça aussi que j'ai ici. Mais moi, c'est pas une nouvelle compilation que j'ai, par contre, parce que les compilations, c'est pas nouveau nécessairement. Tu sais, c'est nouveau aujourd'hui pour nous faire découvrir des vieilles affaires, mais dans le temps que c'était vieux, c'était pour faire découvrir des albums, des artistes de ce temps-là, tu sais, fait que c'était un peu le concept de mettre des artistes pas connus sur un album sorti par une compagnie de disques pour promouvoir ces artistes, dans le fond, tu sais. Fait que c'était un peu la promotion, l'autopromotion, mais en même temps, ça permettait à des groupes de se faire connaître, puis tout ça, fait que... Là, c'est ce que j'ai ici. C'est une compilation qui s'appelle Label Unlimited. Fait que justement, c'est quelque chose tout droit sorti des années 80. En fait, je pense que c'est 79, si je me trompe pas. Puis ça, c'est en fait, c'est une compilation d'un label britannique que je vous ai parlé tantôt, Cherry Red. Et puis c'est tous des artistes de Cherry Red. Et ça, c'est dans le fond, c'est une version canadienne. Donc Tout est écrit en britannique dessus, là, avec le prix en livres sterling, tout, mais ça a été distribué au Canada sur CRI Records. Ouais, mais on peut faire une petite joke politique vu que, tu sais, la reine, Canada. Ouais, mais c'est Mingon, ça. Là. Il y a des facilités, mais il n'y a pas tant de facilités nécessairement, en tout cas. Mais bon, fait que tout ça. C'est taquin. C'est coquin. Fait que ça, fait que là, c'est un label de punk, tu sais, mais le punk. Young, c'est pas juste comme Dead Kennedys. Il y avait plein d'affaires dans ce temps-là qu'on disait que c'était punk. Tant que tu sortais un peu du son qui était populaire, parce que c'était pas populaire à l'époque, évidemment, t'étais punk. Fait que là, ça, c'était un band français. Fait que je vous ai dit tantôt... C'était qui dit punk dit français. Ouais, mais qui dit New Wave, en fait, dit français. Oui, oui, oui, bien sûr. Et là même, avec le respect, tout le respect que je lui dois. Voilà, voilà. Donc, on est plus dans le New Wave, puis je dirais même le Dark Wave. Fait que c'est un peu sombre. Tu sais, Dark Wave, là, je parle un peu de termes de Je vais faire un wink-wink à quelqu'un qui aime beaucoup ça. C'était très sombre comme style de musique. T'sais, on pense, entre autres, Jesus and the Mary Chain ou The Cure dans les chansons plus deep, là, comme l'album Fate ou 17 Seconds. C'était plus ce genre-là, ou Joy Division même. Là. Si on va en Angleterre, il y en a qui appellent ça de la Dark Wave. C'était de la New Wave, mais c'était de la Dark Wave. Wow. Voilà. J'ai poussé un peu loin. C'est juste parce que là, cette tune-là, c'est vraiment deep. Fait que ça dure pas longtemps. OK? C'est juste pour dire que c'est sûr que ça n'aurait pas sorti, tu sais, autre que sur une compilation punk des années 80. Alors, voilà. Ça s'appelle... Le band s'appelle Second Layer. Et la tune s'appelle Metal Sheet. Donc, voilà. Écoutez ça. Et ça t'offre... Ça dure pas longtemps. Soyez forts. Short and sweet. C'est pas pire, là, la petite loupe à la fin, là, ça reste de même. Ça fait pas de claque, ça continue de crier tout le temps. C'est fait exprès. Il loupe, il revient dans le okay, sillon. Question, tu l'oublies pas, ouais. Genre, puis qu'il passe la nuit, c'est, genre... À crier, c'est fou. Parce que, tu sais, ceux qui savent pas, s'il y a pas d'auto-stop, là, le disque, il continue de rouler. Là, fait que il y avait ce genre de niaiserie-là que tu pouvais faire. Tu sais, soit louper une phrase à la fin, ou est-ce que tu t'arrangeais pour que... Ben, t'as un signal sonore, mais toi, t'as sûrement déjà entendu la légende urbaine qu'il y a un gars, whatever si la boisson était dans l'histoire ou non, il a oublié son vinyle, il a été se coucher ou whatever, et ben ça le feu a pogné. Genre la friction. Ouais, ben tu sais, mettons, là, tu sais, la brosse, whatever, tu t'en vas te coucher, puis là, tu dors pendant 12 heures, puis pendant 12 heures. Si le gars, il avait, je sais pas, moi, 3 25 cents tapés dessus, peut-être, là, mais juste le poids de la tête, ça me surprendrait que ça soit. Ça ferait juste user le vinyle, là. Je pense que oui. Les gens sont contre toi, là. Moi, je pense que oui, là, la friction est pas assez grande, là. En tout cas, ben peut-être que, je sais pas. Je suis pas physicien, mais. J'aurais tendance à penser que ça userait ton disque, tu passerais au travers, tu scraperais ton aiguille, mais je pense pas que le feu pogne. Peut-être. Ouais, je ferais des recherches. Pas le test, je ferais des recherches, puis je reviendrai là-dessus la semaine prochaine à savoir si cette fameuse histoire, légende urbaine-là, était vraiment vraie ou c'était juste un canular, comme la majorité des légendes urbaines, anyway. Prochaine chanson de l'artiste qui s'appelle Guitar Junior, Now You Know. En gros, ça vient d'une compilation qui s'appelle Rockin' Blues Party. La pochette, en gros, c'est en noir et blanc. C'est des très vieilles tunes, d'après moi, qui ont vraiment d'artistes qui ont pas vraiment pogné. J'ai pas fait assez de recherches, malheureusement, là-dessus. Mais je me suis dit qu'on allait changer de style radical, tu sais. On part de Suicide. Mais ça, c'était pas Suicide, là? Non, man, c'était pas Suicide. C'est ça que je disais avant de mettre la toune. C'est Second Layer avec la toune Metal Sheet. Mais oui, en effet, on est pas mal plus dans ce style-là, en fait, de Suicide. Ceux qui connaissent pas, une espèce de band de fucked up. Là. T'as deux autres aussi, dans le fond. T'as un duo, ça aussi. Peut-être, c'est ça. Très minimal, mais... Voilà, ça devait être des soirées très drôles. En gros, moi, l'histoire que j'avais entendue, l'artiste XY, que je me souviens pas pour qui ouvrait, il a fallu, pendant qu'il jouait, il a fallu carrément qu'il monte sur le stage puis qu'il arrête un riot, une émeute, parce que le monde était trop en crise puis il comprenait pas ce qui se passait. Puis je peux peut-être un peu comprendre pour l'époque. Là, mais là, il a fallu... on parle de Suicide. On parle de Suicide. Je pense que c'est Lou Reed ou quelque chose dans le même. Ça fait avec quelqu'un quand même. Une belle personnalité. Puis c'est ça. Il a fallu carrément qu'il aille sur le stage puis qu'il dise au monde d'arrêter de bouer puis de garocher des bouteilles ou whatever parce que c'était comme trop devenu le bordel. Là. Fait que c'est. Ouais, ben Suicide anyway, juste avec un nom comme Suicide. Puis le son qu'il y avait, ben, c'était ça. Sûr que. Bonne ou mauvaise réaction, il allait créer une réaction au point. T'as peut-être un peu le but, I guess. Ouais. Je pense que t'as plus un peu des bands plus artistiques. Là, c'est ça aussi. Faut se remettre dans le contexte du temps. No Wave. Ouais, le No Wave. Ouais, c'est ça. Tantôt, j'ai dit Dark Wave. C'était plutôt No Wave, en fait. Là. C'est ça. J'ai beaucoup de Wave dans ce temps-là. C'est parce que le monde se cherchait pas mal. T'sais. Faut dire que. Je sais pas si c'est synthétiseur qui a tout fucké à patente. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Je pense que le monde ont été un peu déchantés de tout après l'époque punk, genre que là, c'est comme. Ben, ça a comme monté. En fait, c'est ça qui est arrivé, c'est que il y a eu cette espèce de quête de l'originalité suprême qui est arrivée. C'est ça, fin des années 70. Je sais pas. Je suis pas assez calé en histoire, puis faire tous les liens, évidemment, là, pour contextualiser tout ça, mais. Qu'est-ce qui a mené au fait qu'il y a eu cette rapidement beaucoup de styles de musique, si tu veux, qui sont nés de la même pensée de refuser, si tu veux, les standards en place, puis de faire leur propre musique. Fait que ça a amené à plein de styles différents qui se ressemblent pas toutes, mais qui ont toutes le même point commun qui était de vouloir être original. Faire carrément de l'anti-musique, tu te grattes la tête tout le long de comme, OK, il n'y a pas une note mélodique dans toute cette tune-là. Ça peut être rough, là, je peux comprendre. Tu retrouves ça un peu au début de Sonic Youth. Tu sais, des bands qui sont devenus plus populaires par après, mais qui ont commencé dans ce style-là de musique un peu alternative au sens propre du terme, là, pas au sens music world du terme. Là. Music world de magasin de musique, je parle. Bon. Ben voilà. Fait que c'est ça. Mon français, c'est quoi? Tu vas nous mettre là, une autre compilation là, de. Guitar Junior Guitar avec. Junior. En tout cas, j'irai le titre de la toune après l'avoir fait jouer. 42 sous Sol FM. No! Guitar Junior avec Now You Know. Ha! J'ai le titre. Toujours sur les ondes de 42 sous Sol FM. On va procéder avec la prochaine toune de David. Là, moi je vois le background du vinyle. Je vais pas spoiler. Ben c'est ça. Là, quoi, on va rester dans la thématique compilation. Puis dans les années, je sais pas, les années 50 ou 60, au moins, ce que tu viens de nous faire jouer. Mais, en fait, je tiens présentement dans mes mains la première compilation de rock and roll, en fait de musique rock. Donc, ça a commencé avec le rock and roll, les compilations, je parle. Là, je parle de compilation comme Still Greatest Hits, pas compilation comme compilation d'artistes, quoi que ce soit. Là, c'est d'artistes tout variés. Là, c'est Greatest Hits de quelqu'un. C'était jamais fait, ça. C'était la première fois qu'un artiste avait autant de 45 tours. Ça faisait combien de temps qu'il y avait des albums avant que quelqu'un fasse « Hey, on pourrait tout mettre ces... » Ah non, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de longévité. Ben, c'est ça aussi, tu sais. Il faut se remettre dans le temps qu'il y avait des artistes qui avaient beaucoup de chansons, mais sur une carrière plus longue. Puis mettons, ils se faisaient tous voler leurs idées par quelqu'un qui était pas noir. Ouais, ça aussi. Soyons honnêtes. Ça, c'est, là, on est encore dans les années 50, puis oui, en effet, les artistes noirs se faisaient voler en masse et se sont fait voler pendant des années leurs hits par en fait, les radios commerciales passaient pas leur version des chansons. Fait que carrément, il y avait quelqu'un de blanc qui faisait un cover. Puis c'est rendu à moi, tu te plates. On roulait le cover, puis on roulait pas la version originale, ce qui fait que les gens ne connaissaient pas la version originale de la chanson, mais savaient pas que c'était un artiste noir. Wink wink, Led Zeppelin. Mais bon, ça, vous irez fouiller sur Internet pour savoir plus d'informations là-dessus. Ah, ça m'intéresse. Tu nous en reparleras, ça m'intéresse. En tout cas, j'ai pas nommé l'artiste parce qu'évidemment, ça se passe de présentation, mais c'est Elvis Presley. Alors, le premier Greatest Hits de l'histoire en 1958, c'est le cinquième album d'Elvis. Fait qu'il avait déjà sorti quatre albums. En fait, je pense qu'il avait déjà fait des films déjà à cette époque-là. Donc, déjà. Oui, il avait déjà fait des films à ce moment-là. Puis, déjà, il avait compilé sur un album ses singles, dans le fond, des albums qu'il avait sortis en 45 tours. Puis, ils les ont tous mis sur un premier disque qui s'appelait le Elvis Golden Records. Donc, c'était tous des disques d'or, évidemment, tous des disques 45 tours, des hits d'or. Alors, on va passer à la chanson. C'est un classique parce que c'est Elvis. Et c'est une des chansons que j'aime beaucoup. Alors, voilà, Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely when they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And I'll be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely when they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you'll be just so lonely, baby. Well, you will be lonely, you'll be so lonely, you could die. C'était Elvis avec Heartbreak Hotel, c'est ça? Oui, c'était Heartbreak Hotel de Elvis Presley sur une compilation, en fait, le premier Greatest Hits, comme je disais, de l'histoire, qui s'appelle Golden Records, Elvis Presley Golden Records, 1958. Et puis, voilà, cet album-là est un peu particulier pour moi parce que il vient d'une collection autre que la mienne. En fait, c'est mon grand-père qui est un gros fan d'Elvis, qui avait des albums et tout ça, évidemment. Puis, il savait que je collectionnais les disques. Puis, il m'a tout donné ça, un moment donné. Puis, voilà. Fait que ça, c'est un bon que j'aime écouter des fois. C'est quoi déjà la toune que... Excuse, un petit pic de micro. C'était quoi déjà le remix de Alec Empire d'Elvis? T'en souviens-tu? Aucune idée. Aucune idée. Hound Dog, c'est ça. Ah, Hound Dog. Ben, oh, ouais. Tu aussi. C'était à l'autre avant, je pense. Non, j'ai un flash. C'était un classique. Tu nous trouveras ça, Francis. Tu nous mettras ça. Enfin, comment? Alec Empire? Ouais, Alec Empire, feu Atari Teenage Riot. Mais pas feu, parce qu'ils sont techniquement revenus ensemble pour faire... Ben, j'avais été voir en show au non, au Fouf. C'était au Spectrum, ça fait déjà quelques années. Non, c'était au Fouf et ça fitait parfaitement. D'ailleurs, show extrêmement expéditif. J'étais arrivé en retard, j'étais arrivé directement pour Atari Teenage Riot. Ça a duré une heure, non-stop. C'est le même. Juste un hit. Merci, bonsoir. C'est fuck off. C'est pas de rappel. Un bloc dans ta face. Oh, ouais, non, ça. Une masse en ciment. Ça suintait, ça suintait. J'en doute pas. Mais bon, je... Dans le garage ou sur le stage? Dans le garage? Non, ça se fait partout. Ah ouais, non. C'était drôle de voir le monde qui venait de s'acheter leur t-shirt d'Atari Teenage Riot, puis ceux qui avaient déjà leur t-shirt de le 10 ans, genre, ouais, à peu près. Là, que, ils écoutaient ça exactement dans le temps que nous autres. Fait que... Mais c'était cool de voir les générations qui se côtoient. C'est sûrement pas les mêmes, parce que c'est pas par nostalgie, parce que c'est assez intense. C'est la dernière fois. C'est assez intense. Si tu connais pas ça, l'ami, écoute ça. Pour voir. T'écoutes ça le matin, ça te réveille. Oh, ouais, je. Ou on suggère les vidéos sur YouTube là, qui font un show à Berlin, là, dans une boîte de pick-up ou un semi-remorque. Non, c'est dans un char allégorique qui font une espèce de parade. Puis bon, ça vire. Dans les rues de Berlin, puis voilà, avec les speakers, puis le monde qui suivent comme une manifestation. C'était. Ben, ça virait à l'émeute, là. Je pense qu'ils ont eu le temps de faire deux tonnes, puis ils sont fait embarquer, puis là, l'émeute a c'est parti ça. Avec les bouteilles. C'est ce genre-là, Atari Teenage Riot. C'est ça, Teenage Riot, voilà. Fait que, qu'est-ce qu'on écoute, Frank? Fog? Ouais. On va procéder avec un band de... Ben, malheureusement, je sais pas s'il existe encore. Fog, sur la compagnie Ninja Feu, Ninja Tune, qui est devenue Warbreaker. Un band assez spécial dans le genre de, j'appellerais ça du folk électro, beaucoup de samples avec une voix nasillarde puis de la guitare sèche en même temps. C'est assez particulier, surtout qu'il était sur Ninja Tune dans le temps, qui était pas vraiment folk, mais vu qu'il y avait comme du genre de scratch un peu à la Kid Koala, je présume qu'ils ont fait « Ok, close enough ». Mais c'est très très très très bon. La tune que je vais faire jouer, c'est Check Fraud, la non-album version. Ça, c'est sur le single que j'ai pogné, je me rappelle, c'était au Picnic Électronique, d'ailleurs, t'étais là. Ah, ouais. Dans le temps où est-ce que quand Ninja Tune allait là, ils faisaient une vente de leur restant de stock. Absolument pas cher. Je pense que je l'ai payé 2$. Ouais, c'est ça. Liquidaire, dans le fond. Oh, la liquidation. Pas ce que tu veux. Là. Peut-être que tu voulais même pas te dealer, c'était juste trop ridicule. Tu étais comme, non, mais je vais payer le prix que tu demandes sans même poser de questions. Ben, tu sais, je pense qu'il te faisait un prix. Il te faisait un chiffron là, si t'en prenais une coupe, parce que il me semble qu'on avait pris une coupe dans ce temps-là aussi. Puis, t'as pas cher. En tout cas, ça valait la peine. Ben, c'est ça. Mais c'était tout des. T'avais pas d'album complet, à ma connaissance. Pas à peine. C'était surtout. Non, c'était plus des singles. Surtout des singles, des versions. Des EP, ouais, voilà. Des albums dans le même. C'était correct. Ça valait le prix que ça valait, mais c'est parfait. C'est fait pour ça. T'sais. Une liquidation qui est pas en liquidation, va chier. Donc, voilà. On t'attire avec deux produits en rabais. C'est puis ça. Le reste, c'est full price. Putain, c'était des t-shirts aussi, 45 pièces. Petite cave. Fait que pas ça, ça c'est bon, ça c'est des souvenirs pour nous. Fog avec Check Fraud, la version non-album, que selon moi est pas mal meilleure que la version sur l'album. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi ils ont juste pas pris cette version-là, point. Là, ben là, parce que l'intro est pas écoutable, Steve Frank, c'est pas compliqué. Moi, je l'aime bien, là, sauf que si tu veux vendre un album, tu sais, mettons... Ok, bon. Je sais pas. Moi, je l'aime bien, là. Je trouve que ça met dans le mood, là. Mais bon, ça, c'est. D'accord avec toi. Sauf que c'est pas une version d'album. T'aurais pu le mettre, l'album, mettons, en supplément, t'sais, bonus à la fin, t'sais. Mais si t'avais pas un album double, là, t'as rien un album simple, là. Puis tu peux mettre des tunes que, t'sais, t'en as plein. Je sais pas. Je suis sûr même. Peut-être c'est pas ça. Bon, si je la refais jouer, je vais faire un radio edit que je mets pas l'intro. Non, mais c'est ça, je comprends. Moi, je l'aimais aussi, là. C'est pas écoutable. Tu sais, faut pas te prendre tout ce que je dis au premier degré. Non, là, je taquine. Je taquine. C'est moins accessible. C'est ça. On est moins dans l'accession de l'accessibilité. T'sais. Fait que s'ils veulent pogner, c'est ça. Ils mettent ça sur un EP. Ce qu'ils ont fait, c'est bon. Malheureusement, je pense qu'ils ont pogné-ish, mais donc c'est rare, j'ai entendu dans une conversation. Hey, t'as entendu le dernier album de Fog? Ouais, non. Non, en fait, non, parce que je pense que c'est la seule personne que je connais qui écoute ça. Qui avait ça, en tout cas. Pour dire que je connais pas grand monde, mais. Les deux albums. Bon, coudon. Fait que moi, j'ai la suite des idées un peu. Fait que. Non, je ne compterai pas à personne. Je dis juste que. Il y avait une petite suite. Fait que. Le prochain album que je vais mettre, c'est encore une compilation. On avait des compilations dans tout. Moi, j'ai comme focusé dessus. Pas focusé, mais j'en ai encore une autre, je pense. Mais celle-là, c'est une compilation parce que, tu sais, on parle des sortes de compilations. Ça, c'est un autre genre. Ça, c'est une compilation récente, des années 90, de tunes garage des années 60, je dirais, fin 50, début 60, d'artistes peu connus, un peu comme Francis tantôt avec son album de blues, là, mais là, c'est plus garage, plus teenager. Puis le lien, c'est que l'album s'appelle, je le prends, s'appelle 50 millions de délinquants ne peuvent pas avoir tort. Ça, c'est rebelle en barnage pour le temps. Là. Teenage Riot avec trois brigands avec des chaînes et des bâtons. Mais ça, c'est parce que, en plus, c'est que le nom de l'album, là, c'est en anglais, là, c'est 50,000 Delinquent Can't Be Wrong. Ça fait référence au 9e album d'Elvis Presley. Le 2e Greatest Hits d'Elvis. Concept, écoute, tu sais, quand on l'a là, tu sais, quand t'es flabbergasté dans la vie, c'est comme c'est pas tout à fait le même genre qu'Elvis, évidemment, mais c'est pas aussi léché. Puis dans cette compilation là, ce qui est le fun, c'est que ça vient de films un peu série B, évidemment, de films de délinquants. T'sais, c'était bien en mode dans les années 60, justement, là, t'sais, les jeunes délinquants, le Rebel Without a Cause, James Dean, t'sais, ce genre-là. Mais là, on parle pas de James Dean, on parle de films de série B, là, t'sais, d'acteurs pas mal moins. de pâle copie, là, comme qu'on pourrait dire. Ouais, mais t'sais, plus violente, t'sais, parce que moins populaire, peut-être, comme, t'sais, moins sous l'emprise des gros studios, je sais pas. Ben, avec moins de contraintes, là, fait qu'ils peuvent plus s'en donner en cœur joie, ouais, mais qu'est-ce qui peut donner l'espèce d'effet série B, justement, c'est caricature. Ça. Puis on parle des années 60, fait que c'est cheesy quand même. Fait que voilà, fait que c'est entrecoupé de bouts de films. C'est pour ça que ça sonne comme un film de Tarantino, une compilation de ce genre-là. Alors c'est parti! 42 sur la FM. They call her Shaggy Tramp. Who is she? Where did she come from? How did she get the name of Shaggy Tramp? Meet her friends, booted, buckled, and revved for action. Burning the highways with terror, always one step ahead of the fuzz, are the friends of Shaggy Tramp. This unusual and abnormal motion picture makes those Swedish movies look like a Sunday school show. From the swamp-infested backwoods of Georgia comes the story of a lust-loving tramp. Born broke, she found a way to make money. She loved them all. That's Shaggy Tramp. Teenagers will not be permitted to see Shaggy Tramp without the written permission of their parents. Special uniform police will supervise admissions. Have an enough love, love you, baby, no matter who you are. Have an enough love, love, love you, baby, if you're near or far. Have an enough love, love, love you, baby, on the earth and on the stars. Have an enough love, love you, honey, no matter who you are. Have an enough love, love, love you, honey, now if you're near or far. Have an enough love, love, love you, baby, on the earth. I give my love, and all I get is money. Shady Trail, I'm as sweet as honey. Shady Trail, to you it may seem funny. I give my love. I'm gonna love, love, love you, baby, and no matter who you are. I'm gonna love, love, love you, baby, now if you're near or far. I'm gonna love, love, love you, baby, on the earth and on the stars. Shady Trail, I'm as sweet as honey. Shady Trail, you it may seem funny. I give my love and all.